20h35, bienvenue pour cette troisième conférence consacrée à la prière, après le silence dans la prière, après la question « Est-il naturel de prier ?». Je vous propose ce soir de réfléchir ensemble et puis de prier. Nous achèverons ce temps de formation par une prière avec un thème tout aussi important, la prière d'action de grâce. Est-ce que aujourd'hui nous avons envie, nous avons le désir de rendre grâce? Oui, peut-être. En fait, ça n'est pas si évident que ça. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais il faut reconnaître que entre le contexte sanitaire, cette crise du Covid dont on ne voit pas la fin, deuxième, troisième, quatrième dose, le masque, les gestes barrières, la situation de l'Église où on a l'impression d'un puits sans fond avec chaque nouvelle semaine des affaires qui sortent, à cela s'ajoute probablement pour beaucoup d'entre nous les difficultés d'ordre professionnel, familial, sentimental, psychologique. Et on nous dit « rendez grâce pour tout cela ». Alors, qu'est-ce que la prière d'action de grâce? Est-ce que c'est dire « allez, finalement, ça n'est pas si mal, finalement, ça aurait pu être pire et on va remercier le Seigneur » ou est-ce que c'est une réalité bien plus profonde? C'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous aujourd'hui. Et je vous propose d'abord de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu en écoutant saint Paul s'adresser aux Philippiens. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce. » Cela signifie que les circonstances ne doivent pas nous arrêter. Cela signifie également que l'action de grâce peut marquer toute notre vie. Et donc ce soir, je vous propose de partir sur la route de l'action de grâce. Partir sur ce chemin escarpé mais assez enthousiasmant de l'action de grâce. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fait des trips en montagne, peut-être des grands pèlerinages, Saint-Jacques de Compostelle. Avant de se lancer dans ce type d'aventure, la première chose que l'on fait, c'est d'interroger des personnes qui ont déjà fait ce pèlerinage, qui ont déjà fait cette marche. Et donc pour l'action de grâce, pour notre première étape, je vous propose d'interroger certains témoins qui vont nous aider ou du moins qui vont nous mettre sur la voie de l'action de grâce. Le premier témoin assez connu, c'est Job. Job, il faut savoir qu'il y a tout un livre de l'Ancien Testament qui lui est consacré. Où a-t-il vécu? Quand a-t-il vécu? On n'en sait pas grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que Job est un homme comblé, comblé par sa famille, comblé par sa réussite sociale. Le livre de Job nous dit qu'il était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Et ce même livre va mettre en scène un dialogue assez étonnant entre Yahvé et Satan. Satan qui dit « Oui, Job est heureux, Job loue Yahvé, mais il le fait parce qu'il est heureux. » Et Yahvé va accepter de soumettre Job à l'épreuve. Et Job va coup sur coup perdre ses biens, Job va perdre sa famille. Satan avait dit à Yahvé « Étends la main et touche à ses biens, je te jure qu'il te maudira en face. » Job perd tout et Job continue à bénir le Seigneur. C'est cette phrase si connue et si belle. « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » Sur bien des livres d'heures du Moyen-Âge, on voit Job sur son tas de fumier bénir, louer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur, alors même que Job a tout perdu. Autre témoin que nous pouvons interroger pour la prière d'action de grâce. Nous sommes au moment de la venue du Sauveur au moment des récits entourant l'incarnation. Yahvé a formé son peuple. Yahvé a libéré son peuple. Yahvé a accompli pour son peuple des hauts faits, des exploits. Nous pouvons évidemment penser au passage de la mer Rouge par Moïse. Et voici que ce peuple, le peuple juif, est sous le joug de la domination romaine. L'espoir, l'espérance qui avait animé ce peuple semble s'être doucement éteint. Et tous les yeux, à cette époque-là, attendent un Messie fort, un Messie puissant, un Messie glorieux. Souvenons-nous quel était le modèle du Messie à cette époque. Le modèle du Messie, c'est Moïse. Moïse qui, dans la bataille contre les Amalécites, lève les bras, et lorsque Moïse lève les bras, les Amalécites sont défaits et les armées d'Israël remportent la victoire. Le modèle du Messie, c'est également Élie, le prophète Élie qui, sur le mont Carmel, va confondre les faux prophètes du dieu Baal, 450 faux prophètes qui vont être égorgés. Là, pensaient certains, là se trouvait le modèle, la figure du Messie qui devait venir. Un Messie, passez-moi l'expression, mais qui avait de la gueule. Et alors que la plupart en Israël attendent ce Messie, il y a en Israël quelques personnes, un peuple, comme nous le dit le prophète Sophonie, un peuple pauvre et petit qui attend dans le silence, dans la discrétion, dans la confiance, le Sauveur. Ce sont ceux que l'on appelle les Anaouim, les pauvres de Yahvé. Parmi ces pauvres, il y a Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui, à la naissance de son fils, alors qu'il avait perdu l'usage de la voix, va bénir le Seigneur. L'évangile de Luc nous dit « Il parlait et il bénissait Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. » Parmi les pauvres, il y a également son épouse, Élisabeth, elle qui va recevoir la visite de sa cousine, Marie, et qui va s'exclamer « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Parmi ces pauvres, bien sûr, il y a Marie qui, lors de la visitation, justement, à sa cousine Élisabeth, va entonner ce merveilleux chant du Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Toujours parmi ces pauvres, ces premiers témoins de la venue du Messie, nous pensons évidemment aux bergers qui, la nuit de Noël, se rendent à Bethléem adorer l'enfant Jésus. L'Évangile nous dit « Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. » Enfin, dernier exemple, parmi ces pauvres de Yahvé, le vieillard Siméon, qui lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple, va le recevoir dans ses bras et dire « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Job, les pauvres de Yahvé, bien sûr, parmi ces témoins de l'action de grâce, de la prière de merci, on compte Jésus lui-même. Jésus qui, au cours de son ministère public, va exulter de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et dire « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Et toujours au cours de son ministère public, cette prière si étonnante de Jésus devant la tombe de son ami Lazare. Souvenez-vous, nous sommes dans l'Évangile selon saint Jean. Lazare, le fidèle ami, le frère de Marthe et Marie, est mort. Les Juifs sont à l'affût d'un faux pas. Jésus est arrivé trop tard. Cela fait 4 jours que Lazare est au tombeau. Jésus se rend devant le tombeau. Il est sous le coup des regards accusateurs. Et Jésus, alors même qu'il ne s'est encore rien passé, qu'en apparence il a échoué, en tout cas aux yeux des Juifs malveillants qui le regardaient, Jésus va prononcer cette prière. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et à ce moment-là, Lazare sort du tombeau. Mais Jésus commence par rendre grâce, avant même d'avoir vu l'effet de sa prière. Autre témoin de l'action de grâce, saint Paul, je le citais tout à l'heure, je le recite à nouveau. Nous sommes en l'an 61, saint Paul écrit à la communauté chrétienne de Philippe, cette ville de Grèce, et saint Paul commence sa lettre. « Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant. » Saint Paul est dans l'action de grâce, mais n'oublions pas que saint Paul écrit aux Philippiens depuis sa prison à Rome. Quel est le point commun entre ces témoins de l'action de grâce? Le point commun qui relie Job, les pauvres de Yahvé, Jésus, saint Paul, le point commun, c'est que ce sont des pauvres. Job est pauvre, car de riche qu'il était, il est devenu pauvre, il a perdu tous ses biens. Le petit peuple, le petit reste qui attendait le Messie, sont des pauvres capables de s'émerveiller devant la naissance humble et modeste d'un enfant. Jésus, lorsqu'il prie devant le tombeau de son ami Lazare et qu'il rend grâce à son père, Jésus est un pauvre, les mains vides, désarmé. Et Paul, du fond de sa prison à Rome, est un pauvre. On aurait pu citer bien d'autres exemples, on aurait pu évidemment citer saint François, François d'Assise, le pauvre d'Assise, lui qui avait épousé Dame Pauvreté, lui qui, à la fin de sa vie, presque aveugle, rejeté par les membres de sa fraternité, va entonner ce chant d'action de grâce, ce chant de louange, le cantique des créatures, « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures. Loué et bénissez, mon Seigneur, et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. » La condition de la prière d'action de grâce, c'est la pauvreté, être pauvre devant Dieu. Et toutes ces prières que je vous ai citées, ces prières qui en quelque sorte ont traversé les siècles, traversé les régions. Le Benedictus de Zacharie, c'est ce que nous disons tous les matins au Laude. Le Magnificat de Marie, c'est ce que nous chantons tous les soirs aux Vêpres. Ces prières, ce sont des prières de pauvres, des prières de cœur déchiré. C'était mon premier point où nous avons interrogé nos témoins pour entrer dans la prière d'action de grâce. Et ces témoins nous ont dit qu'il fallait nous rendre pauvres, petits, pour entrer dans cette prière. Le deuxième moment, lorsque on prend la route, et je vous propose de prendre la route de la prière d'action de grâce, ça consiste à repérer les obstacles. quels obstacles, quelles difficultés je vais rencontrer sur mon chemin. Qu'est-ce qui, au moment où je vais vouloir rendre grâce, va venir peut-être s'insinuer et parasiter ma prière d'action de grâce. Ça va être la deuxième étape de notre chemin après avoir interrogé les témoins, repéré les obstacles. Pour ma part, j'en vois principalement deux. D'abord, c'est notre richesse en biens matériels, notre recherche du bien-être matériel. Alors, pour une part, il y a quelque chose de tout à fait légitime à vouloir bien gagner sa vie, à vouloir vivre dans des situations confortables. Mais force est de constater que dans la société d'hyperconsommation dans laquelle nous vivons, les besoins engendrent des nouveaux besoins, les attentes engendrent des nouvelles attentes, et nous risquons fort d'être pris dans une espèce de cycle infernal où nous cherchons à avoir toujours plus. Et cette soif de possession peut ne jamais être assouvie. Encore, encore, encore, encore plus. Ça peut même créer une forme de dépendance en employant peut-être un terme peut-être un peu trop fort, une forme d'addiction. Alors bien sûr, c'est peut-être une addiction moins grave que l'addiction à la drogue, à l'alcool, au sexe, mais c'est une forme de dépendance. Et surtout, cette société d'hyperconsommation nous pousse parfois, souvent, à la comparaison, la jalousie. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais un moment où tout va bien, nous sommes heureux, les choses dans notre vie se déroulent plutôt bien, et puis on aperçoit, on voit qu'un de nos proches, un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail, réussit mieux que nous, a une promotion professionnelle que nous n'avons pas, a une famille qui semble mieux réussir que la nôtre, où on reçoit des amis et on sent que ces amis vivent de plus en plus confortablement alors que nous-mêmes, nous avons l'impression de ne pas beaucoup avancer sur ce point-là. Et insidieusement, peut arriver, peut se développer une certaine forme de tristesse, une tristesse qui vient d'un esprit de comparaison mal ajusté. Et cette société d'hyperconsommation où nous cherchons à avoir toujours plus, nous empêche bien souvent d'entrer dans l'action de grâce. Nous sommes riches de nos biens. Le deuxième obstacle qui nous empêche d'entrer dans une authentique prière d'action de grâce, ce n'est pas la richesse en biens matériels, mais c'est la richesse de notre temps. Ou plus exactement, nous sommes avares de notre temps. Nous cherchons à rentabiliser au maximum le temps qui nous est donné. Dire que nous ne voulons pas faire une chose en même temps, nous voulons faire deux choses, trois choses en même temps. Nous essayons pour chaque action de perdre le moins de temps possible pour pouvoir démultiplier les possibles. Si je mets deux fois moins de temps à faire une action, je pourrais faire deux fois plus de choses dans ma vie. Et alors j'aurais l'impression de remplir ma vie d'activités, remplir ma vie de loisirs. C'est ce phénomène qu'on appelle l'accélération du temps. Je veux doubler, démultiplier la somme des expériences que je vis. Et souvent, les réseaux sociaux nous permettent cela. Je suis avec telle personne physiquement et par les réseaux sociaux, je suis connecté à tel ou tel autre. J'ai l'impression de démultiplier ma vie. En réalité, cette richesse est une fausse richesse. Je ne prends plus le temps de m'arrêter. Je ne prends plus le temps de profiter de la grâce de l'instant présent. Je me suis là aussi enfermé dans une fausse richesse. interroger les témoins, repérer les obstacles, nous pouvons maintenant prendre la route, le chemin de l'action de grâce, c'est-à-dire de la prière du merci, de la prière où je relis toute ma vie et je fais monter vers Dieu un chant, une louange d'action de grâce. Et cette route de la prière d'action de grâce, c'est une route qui va nous conduire vers Emmaüs, car c'est sur l'évangile des pèlerins d'Emmaüs que je voudrais maintenant m'arrêter. Nous sommes après la mort du Christ, nous sommes même après la résurrection du Christ, mais tous les disciples ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Ou du moins, ils ont bien reçu l'annonce, mais ils n'adhèrent pas encore à cet évangile de la résurrection. Où se trouve Emmaüs? Nous n'en savons rien. Il y a plusieurs villages en Terre Sainte qui revendiquent Emmaüs. Qui sont les pèlerins d'Emmaüs? Nous n'en savons trop rien non plus. Il y en a deux, un se nomme Cléophas, l'autre est resté anonyme. Finalement, la route d'Emmaüs, les pèlerins d'Emmaüs, c'est notre route à tous, c'est notre chemin à tous. Les disciples devisent tout tristes en chemin, ils sont rejoints par le Christ qui leur parle des Écritures, mais les disciples ne le reconnaissent pas immédiatement. Ils s'arrêtent à l'auberge, le Christ rompt le pain, les disciples le reconnaissent. À ce moment-là, le Christ disparaît de leurs yeux et les disciples repartent tout joyeux, annoncer ce qu'ils ont vu. Quels sont, pourrait-on dire, les trois éléments clés de cette route d'Emmaüs, qui sont également les trois éléments clés de notre prière d'action de grâce? Le premier, j'y reviens, c'est le dépouillement, la pauvreté. Pour ses disciples, il y a quelque chose qui, dans leur vie, c'est comme brisé lorsque le Christ est mort. Ils avaient mis leur espoir en lui. Ils ont tout abandonné pour le suivre et le Christ est mort. Dans notre vie, il y a peut-être des moments où quelque chose s'est cassé dans notre vie. Alors, si nous avons 20 ans, peut-être pas. Si nous en avons 40, plus probablement. Si nous en avons 60 ou 80, très certainement. Vous savez, ces moments où les gendarmes nous ont appelés pour nous annoncer le terrible accident. Ce moment où, après bien des interrogations et des doutes, on réalise que le conjoint, l'époux, l'épouse a une aventure avec quelqu'un d'autre. Le moment où on nous annonce une nouvelle qui vient briser notre vie. Le moment où publiquement nous avons été humiliés dans notre travail, où nous avons tout donné. Quelque chose s'est cassé. Et pour ses disciples également, quelque chose s'est cassé. Vous savez, souvent, lorsqu'on expérimente ce genre d'événement, même des années après, on se souvient très bien de tous les détails qui ont entouré le moment où la nouvelle, le moment où l'événement s'est produit. On se souvient des sons, des odeurs, des lieux, des personnes. Et donc, les disciples d'Emmaüs sont pauvres. Les disciples d'Emmaüs sont dépouillés. La deuxième clé de ce récit, le deuxième élément qui nous permet d'entrer dans l'action de grâce, c'est le fait qu'à un moment donné, les disciples se retournent sur leur passé. Non pas pour mettre la main sur le passé, non pas pour être dans la nostalgie du passé. Ah, c'était mieux avant. Pas du tout. Les disciples se retournent sur le passé et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent dire cette phrase absolument magnifique. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route ? Concrètement, cela signifie que pour chacun d'entre nous, c'est en nous retournant sur notre passé, en relisant chaque soir notre journée, chaque semaine les 7 ou 8 jours écoulés, en relisant le mois, l'année écoulée, que nous pouvons, comme les pèlerins d'Emmaüs, dire « à ce moment-là, et à ce moment-là, le Christ m'a rejoint sur ma route. Le Christ m'a rejoint sur mon chemin d'Emmaüs. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement, mais aujourd'hui, je peux en témoigner, il était là. Merci, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce parce que, au cœur de l'épreuve, ou peut-être au cœur de ce beau moment vécu, partagé, en famille, entre amis, seul, dans le face-à-face de la prière, tu étais là. Je ne l'ai pas immédiatement expérimenté, mais aujourd'hui, je peux le dire. Pauvreté. Regard sur le passé, plein de gratitude. Et la troisième clé de ce récit, le troisième élément essentiel pour entrer dans la prière d'action de grâce, c'est ce moment de bascule dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, le moment où le Seigneur rompt le pain et prononce la bénédiction, ce geste eucharistique. L'Eucharistie, vous le savez peut-être, étymologiquement signifie « rendre grâce ». Le problème pour nous, c'est que nous avons trop souvent une conception un peu en superficie de rendre grâce. L'action de grâce, c'est plus que « allez, merci, ça va bien, à une prochaine ». Bien sûr que c'est beaucoup plus que cela, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est faire monter de notre cœur le chant de louange, le chant de reconnaissance pour l'œuvre de Dieu en nous. Et l'Eucharistie, la messe, c'est proprement le sacrifice d'action de grâce où l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu le Père pour tous ses bienfaits, pour l'œuvre de la création, pour l'œuvre du salut, pour l'œuvre de la sanctification. Ça signifie concrètement pour nous que c'est par la participation à la vie liturgique de l'Église et spécialement par la participation régulière à la messe que nous pouvons entrer toujours plus profondément dans la prière d'action de grâce, faire monter vers le Seigneur notre prière de merci, notre prière de louange pour qu'elle soit accueillie par Dieu. Pauvreté et dépouillement, regard sur le passé pour le relire et y voir les traces du passage de Dieu, participation à la vie liturgique et spécialement à la messe, le sacrifice eucharistique, le sacrifice d'action de grâce, sont, d'après ce récit des pèlerins d'Emmaüs, les trois clés qui nous permettent d'avancer sur ce chemin de l'action de grâce. Et en dernier point, je voudrais voir avec vous comment concrètement rendre grâce. Comment concrètement rendre grâce? Et je vous propose de retenir 3 R. Le premier R, c'est recevoir. Oui, qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, nous avons reçu de Dieu. C'est ce que dit saint Paul, non pas dans la lettre aux Philippiens, mais dans la première lettre aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous avons reçu des talents, nous avons reçu à tel moment des grâces de Dieu. Nous avons reçu le soutien de Dieu ou de certains proches. Peut-être que, à côté de moi, il y a des personnes qui semblent avoir plus reçu. Mais qu'importe, qu'importe. Moi aussi, j'ai reçu de Dieu. Moi aussi, j'ai beaucoup reçu de Dieu. Et cela, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut se le dire. Et j'espère que en regardant cet enseignement, vous pouvez vous dire merci Seigneur. Non pas un merci vague, mais merci pour ce que j'ai reçu. Reconnaître, recevoir. Recevoir, le deuxième R, c'est ressentir. C'est-à-dire prendre le temps. Prendre le temps de goûter à tout ce que nous avons reçu. Bien sûr qu'il y a des difficultés. Tout le monde en a. Mais il y a aussi des joies. Il y a aussi ces petits coups de pouce du Seigneur. Et il faut savoir s'y arrêter. Il ne s'agit pas de vouloir mettre la main sur ce qui nous est donné. Souvenez-vous, hein, récit de la résurrection, Jésus à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. La grâce passe. Mais il s'agit de profiter de la joie qui nous est donnée. Et pour ressentir, une des grandes qualités à développer, très certainement, c'est le sens de l'émerveillement. Dans notre vie, il y a de la routine. Dans toute vie, il y a de la routine. Et pourtant, chaque recommencement est un nouveau commencement. C'est le sens de l'année liturgique. Et nous pouvons nous dire, toutes les années qu'il nous reste à vivre, on ne sait pas combien de temps, mais il y a une chose, je pense, à peu près certaine pour chacun d'entre nous, c'est que tous les 25 décembre, nous célébrerons Noël. Un dimanche au printemps, chaque année, nous célébrerons la fête de Pâques. Tous les 15 août, jusqu'à la fin de notre vie, nous célébrerons la Vierge Marie. Est-ce que ça veut dire qu'on sait tout par avance? Est-ce que ça veut dire que toute la vie n'est qu'un un cycle où tout recommence de la même manière? Pas du tout. Pas du tout. Nous nous émerveillons à chaque fois de ce qui nous est donné. Et c'est cet émerveillement qui nous permet de ressentir, de laisser descendre en nous les dons, les qualités reçues. Pour ressentir, il s'agit donc de développer la qualité d'émerveillement. Et puis une autre qualité importante pour pouvoir toujours mieux ressentir ce qu'il nous est donné, c'est de savoir nommer les choses, mettre un nom. Seigneur, je te remercie. Très bien. Mais je te remercie pourquoi, précisément? Pourquoi j'ai envie de remercier le Seigneur? Pas un « oui, merci, c'était bien, c'était super », ou « ah, ben, merci, c'était moins pire que ce que j'avais prévu ». Non, non, merci, merci Seigneur pour telle personne. Voilà, moi je parle en face de Gonzague, qui est là, la technique. Merci pour Gonzague que tu as mis sur ma route, Seigneur. Merci pour telle personne que j'ai rencontrée. Merci pour tel moment partagé avec un tel. Merci pour cette messe où j'ai vraiment communié avec une grande ferveur. Merci Seigneur, que je sache nommer. Recevoir, ressentir, et le troisième R, c'est justement rendre. Rendre grâce. Elle est magnifique cette expression. Rendre grâce. La grâce, c'est par excellence le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui se donne pour que nous puissions entrer en amitié avec lui. Et cette grâce, nous lui rendons. Alors attention, nous ne lui rendons pas grâce comme on rend à quelqu'un la somme que nous lui devons. Je te rends ton argent et nous sommes quittes, et il n'y a plus rien entre nous. Pas du tout. Les dons de Dieu, c'est toujours saint Paul qui le dit, les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu donne gratuitement. Mais rendre grâce, c'est faire jaillir du plus profond de notre cœur une réponse aux dons de Dieu, une réponse, un merci, une louange, une reconnaissance, et je rends, autant que cela est possible, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné, mais le fait de lui rendre, ça ne va pas m'appauvrir, mais au contraire, cela va m'enrichir de la vraie richesse. J'ai commencé par la pauvreté, l'importance d'être pauvre pour entrer dans cette prière d'action de grâce, Mais la prière d'action de grâce, c'est se faire pauvre pour être riche de la vraie richesse. La vraie richesse qui est la vie de Dieu, l'amour de Dieu que chacun d'entre nous a reçu. Et rendre grâce, cela ne m'appauvrit pas, mais cela dilate notre espace intérieur. Cela nous établit dans une communion profonde, non seulement avec Dieu, mais avec les autres, avec mes proches, avec ceux qui sont loin et qui deviennent nos prochains. Rendre grâce, je ne vais pas vous dire que c'est la plus belle des prières. Toutes les prières sont belles. Toutes les prières sont magnifiques, mais la prière d'action de grâce, c'est probablement une prière qui vient du plus profond de nous-mêmes, de tout ce que nous vivons, à la fois comme joie, mais aussi comme épreuve, souvent lourde et difficile. Et c'est une prière qui, comme je vous le disais, traverse les obstacles, traverse les difficultés, touche le cœur de Dieu et élargit notre propre cœur. Alors, Bernard m'a envoyé un lien, mais je n'arrive pas à cliquer sur le lien pour les questions. Donc, je vous prie de bien vouloir excuser les personnes qui ont posé des questions. J'espère que vous ne restez pas trop sur votre faim. La semaine prochaine, la conférence sera donnée par Don Augustin, qui vous parlera du lien entre prière et Esprit-Saint. Et je vous propose simplement de terminer cet enseignement par une prière d'action de grâce. J'ai choisi un psaume, le psaume 137. Je vais le lire, mais soyez bien assurés que en lisant cette prière, également votre action de grâce à chacun d'entre vous que je porte, que nous portons ensemble les uns pour les autres, que nous soyons aujourd'hui dans la joie, dans la légèreté du cœur, ou au contraire que notre cœur soit plus assombri par les difficultés. Les uns et les autres, nous pouvons rendre grâce, remercier le Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.